Il n'est pas question que j'éteigne mes feux de croisement avant d'en être sorti. Bien que le contraste lumineux entre l'extérieur et l'intérieur soit très fort et plutôt gênant, l'attitude qui consisterait à accélérer serait dangereuse parce que mon champ visuel s'arrête à cet écran de lumière. Je ne sais pas encore si le soleil sera de face et m'éblouira, mais mettre les lunettes de soleil est déconseillé. Il reste le pare-soleil qui évitera un éblouissement si le soleil est de face. Attention à ne pas le baisser de trop. Bien entendu, un léger ralentissement permettra de se réhabituer plus facilement à la lumière du jour.